طيب، on va commencer donc, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication du livre Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a avec le sharh de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Et donc aujourd'hui on continue dans l'explication des versets qui ont rapport avec Al-Kalam, Sifatul Kalam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hier on expliquait un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que si les arbres étaient des plumes et que les océans, que l'océan était disons, si l'océan avait été alimenté de sept autres océans et qu'on écrivait la parole d'Allah, eh bien ces océans-là se seraient épuisés avant que la parole d'Allah soit épuisée. C'est-à-dire que, donc, on comprend ici que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose qui est permanent. Et le cheikh, il a expliqué ça, donc, en mentionnant certains points dont on a parlé hier. Maintenant, donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on expliquait à la fin du cours? On n'avait pas eu beaucoup de temps, donc on avait fait un cours qui n'était pas très long. Mais donc on va essayer de compléter aujourd'hui. Wal-khulasatu an ahl-sunnati wal-jama'a ja'alana Allah ta'ala wa iyyakum minhum wa amatana ala dhalik yu'minuna bi anna Allah yatakallamu bima sha' mata sha' kayfa sha' wa anna kalamahu wasfuhu la fi'luhu وأن كلامه بحرف وصوت وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجات أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة نعم ويقول وأن كلامه أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هو الكلام الخفيف وكل هذا نؤمن به وهناك مذاهب في كلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين أولا مذهب الأشاعرة وثانيا مذهب المعتزلة اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوق ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله وقالت المعتزلة بلى هو كلام الله أما الأشعرية قالوا إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس وأنه لا يتجدد ولا يحدث ولا يتغير والأمر والنهي اختلفا لا يتغير والأمر والنهي اختلفا في الصورة فقط وهما بمعنى واحد وكل هذا كلام وهذيان غريب لأنهم نسأل الله العافية والسلامة أن لا يزيغ قلوبنا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل لا إلى النقل، يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل، أما النقل فيعرضون عنه ويقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه، أي نقول لا ندري. وقولهم نؤوله يعني نحرفه، لكن أتوا بالتأويل تلطيفا. Donc le cheikh il explique ici, il dit que donc il y a différentes voies au sujet de la parole d'Allah. Les gens qui ont dévié, parmi les gens qui sont dans les voies d'égarement, il y a des voies qui ont dévié au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne va pas mentionner tous les points ou toutes les sectes ou tous les groupes qui ont dévié. Le cheikh il dit on va mentionner les plus connus, les deux voies d'égarement les plus connues à ce sujet. La voie premièrement des Asha'ira, la secte des Asha'ira, et deuxièmement la voie des Mu'tazila. Donc le cheikh, déjà on en a parlé dans les cours précédents, si vous étiez présent vous avez suivi, donc vous êtes au courant déjà de la base de cette question là. Et donc là le cheikh il répète, en fait il dit que les deux groupes sont d'accord, les deux, les Asha'ira et les Mu'tazila, sont d'accord que la parole, c'est-à-dire ce qui est composé de lettres et qui est audible par la voix, qui est une voix audible et des lettres, ça pour eux c'est créé, c'est pas la parole d'Allah. Mais les Ash'ariya, eux, ils disent que la parole c'est une expression, ils disent que c'est une expression de la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah pour eux, mais c'est une expression de la parole d'Allah. Et les Mu'tazila, eux, ils disent non, c'est la parole d'Allah, sauf que c'est créé. Sauf que c'est créé. Allah musta'an. Amma l'Ash'ariya, tandis que les Asha'ira, eux, ils ont dit, la parole d'Allah, la vraie parole d'Allah pour eux, c'est ce qui est établi à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui. Et la parole d'Allah, selon eux, elle ne se renouvelle pas, et c'est pas, il n'y a pas de parole nouvelle, et il n'y a pas de changement, de nouvelles paroles, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction. Donc même si dans l'apparence les mots sont différents, c'est seulement en apparence, parce que pour eux en réalité la parole est une seule parole. La parole est une seule parole, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction. Comme on a expliqué au dernier cours, à ce sujet-là, les cours précédents, on a parlé de ça. Et donc, on sait très bien, comme le cheikh il le dit, que tout ça c'est des paroles, et c'est un délire étrange de leur part de ramener ce genre d'idées, parce que, on demande, le cheikh il dit, on demande en même temps à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, et de nous pardonner, et de nous épargner pour que nos cœurs ne dévient pas, et ne tombent pas dans la déviation. Et il dit donc, ces gens-là, ils ont dévié, ils sont venus avec ces gens de délire étrange parce qu'ils ont pris comme référence au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala leur raison au lieu de la révélation. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme, ils ont pris comme référence et comme principe auquel ils retournent pour établir la connaissance au sujet des attributs d'Allah, ils ont pris comme référence dans ces choses-là leur logique et leur raison. En ce qui concerne la révélation, qu'est-ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça, ils s'en détournent complètement. Et ils disent, ce qui est en contradiction avec la raison, au sujet des attributs d'Allah, eh bien nous, on fait une des deux choses suivantes par rapport à ça. Soit qu'on déforme son sens, on va l'interpréter d'une manière à le rendre en accord avec nos principes, ou bien on fait le tafwid, c'est-à-dire on déclare que personne ne peut comprendre cette parole-là, c'est une parole dont on ignore la signification. Donc ça c'est une des deux méthodes qu'ils ont employées, la méthode du tafwid et la méthode du ta'wil. Et lorsqu'ils disent « nu'awwiluhu » hein, on le déforme ou on l'interprète, ils veulent en réalité dire, hein, c'est pas l'interprétation qu'ils recherchent réellement, mais plutôt la déformation du sens réel et la falsification de qu'est-ce qui est mentionné en fait dans la révélation pour le rendre en accord avec leurs principes et pour être encore plus précis, pour que ce soit en accord avec leurs passions et leurs désirs. Et donc le cheikh, il va donner un exemple de ça. Il dit, فَمَثَلًا hein, parce que, en fait, le cheikh, il explique que la raison pour laquelle ils disent pas, ils disent le terme, ils emploient le terme ta'wil, hein, ils disent nu'awwiluhu. Et la raison pour laquelle ils disent nu'awwiluhu, ce qui signifie en réalité, dans une des significations du terme ta'wil, c'est l'interprétation. Et c'est l'emploi du terme qui a été, fait par les salafs. Les salafs, quand ils utilisaient le terme ta'wil, c'était dans le sens de l'interprétation et dans le sens du tafsir, en fait. Donc, quand ils faisaient le ta'wil du Coran, eh bien, c'était dans le sens de l'interprétation du Coran. Et on voit même que, l'imam al-Tabari, par exemple, son tafsir, il s'intitule al-ta'wil, hein. Il y a dans le titre ta'wil, le ta'wil du Coran. Et dans chaque verset, il explique que le ta'wil du verset en question, c'est telle et telle signification. Donc, il explique, il utilise le terme ta'wil au lieu du terme tafsir. Et c'est un synonyme. Donc les Asha'ira, eux, ils utilisent le terme ta'wil pour faire croire aux gens que ce qu'ils font, c'est uniquement de l'interprétation. Et ils font ça, en fait, c'est une ruse, hein, de leur part. Et c'est pour alléger l'affaire, faire passer ça comme si c'était pas grave. Alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est plus semblable à ce que faisaient les Juifs par rapport à la révélation d'Allah, at-tahrif, hein, at-tahrif, c'est-à-dire yuharrifun, hein, ils déforment et ils falsifient la réalité du sens des versets. Hein, donc ça, c'est un point qui est très important à comprendre, hein, par rapport à ça. Maintenant, le cheikh, il dit, فَمَثَلًا اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَقُولُ اللَّهُ مَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ حَقِيقَةً يجب أن تقول استوى بمعنى استولى أو تفوض فتقول ما أدري ما معناه فتقول ما أدري ما معناه ثم يقولون كذبا أو جهلا إن مذهب السلف هو التفويض فالسلفي إذن إذا سألته ما معنى استوى على العرش يقول الله أعلم وإن قلت ما معنى وجاء ربك قال الله أعلم وإن قلت ما معنى بل عجبت ويسخرون العجب الذي أضافه الله إلى لنفسه ها إن قلت ما معنى بل عجبت ويسخرون العجب الذي أضافه الله لنفسه قال الله أعلم فهذا مذهب السلف على ما زعم الأشاعرة فجعلوا السلف جاهلين جاهلين بمعنى أسماء الله وصفاته وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي فالآن لو أن أحدا من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا أعرف لغته فلن أستفيد ولو كرر علي مرتين أو ثلاثة فلن أستفيد أبدا لا أزداد من معناه إلا بعدا فهم يقولون كل صفات الله نصوصها من الكتاب والسنة غير معلومة لنا ولا ندري ما هي وأن هذا هو مذهب السلف أيضا عند الأشاعرة وقد كذبوا فيما قالوا أو ضلوا وجهلوا ما عند السلف. Donc le cheikh, il explique. Il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 54 et dans d'autres versets aussi, « Istawa ala al-arsh » Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il s'est élevé sur le trône. Istawa ala al-arsh. Eux, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône, il ne s'est pas élevé réellement. Istawa ala al-arsh, mais pas réellement. Ils disent, c'est obligatoire pour toi de dire que il s'est élevé dans le sens qu'il a pris le dessus et il a pris le contrôle, le pouvoir du trône. Ça c'est lorsqu'ils font le ta'wil, lorsqu'ils déforment le sens. Ils l'interprètent en disant que istawa, c'est dans le sens du terme istawla en arabe, qui veut dire conquérir, ou de prendre le contrôle, ou de prendre le dessus. Ou bien une autre méthode, comme la méthode qu'on a mentionnée tout à l'heure, ils font le tafwid. C'est-à-dire, tu dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Istawa, je ne comprends pas ce verbe. Je ne comprends pas ce mot. C'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Donc on voit que ces deux voies sont deux voies d'égarement. Et le cheikh, il explique, il dit en plus, il dit par la suite, ils disent, soit par le fait qu'ils mentent, ou bien par le fait qu'ils sont ignorants, ils disent, la voie des salafs, c'est le tafwid. Ils prétendent que la voie des salafs, c'est le tafwid, c'est-à-dire de dire qu'on ne sait pas la signification de ce que Allah a mentionné au sujet de ses noms et de ses attributs. Donc pour eux, pour les Asha'ira, les salafs ignoraient la signification des noms et des attributs d'Allah. Et donc, si quelqu'un est salafi, comme le cheikh il dit, selon eux, que le salafi, si tu lui demandes quelle est la signification du verset « Istawa ala al-arsh », eh bien, ils devraient dire, selon eux, « Allahu a'lam », c'est-à-dire c'est seulement Allah qui sait. Et si tu lui demandes, quelle est la signification quand Allah dit « Et vient ton Seigneur, et viendra ton Seigneur », c'est-à-dire qu'est-ce que tu comprends de ça, ils vont dire « Allahu a'lam », c'est-à-dire les salafs, selon eux, le salafi ne comprend pas cette parole-là, il ne sait pas ce que ça signifie, alors que c'est de l'arabe clair, Ou bien lorsqu'il dit, et qu'est-ce que tu dis du verset bal adibtu wa yaskharun? Il y a différentes récitations de ce verset-là dans sourate As-Saffat. Bal adibta wa yaskharun. Et il y a aussi la lecture bal adibtu wa yaskharun. Et bal adibtu, ça veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Il dit, et je m'étonne, et il se moque, il se raille. Et donc, ici, quelle serait la signification de l'étonnement qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là? Et donc, eux, ils diraient que les salafs, à ce sujet-là, ils ne savent pas. Ils vont dire, Allahu a'lam, Allah sait mieux. Et donc, ça, pour les Asha'ira, c'est ça la voie des salafs. L'ignorance. L'ignorance des noms et de la signification des noms et des attributs. D'accord? Donc ça c'est selon eux. Et tu vois ça dans les livres, dans les livres des gens de bid'a, parmi les gens de kalam, en particulier les Asha'ira, ils disent la voix des salafs c'est ça. C'est la voix des salafs de dire je sais pas ce que ça signifie. Et c'est ça qu'ils pensent que d'être salafi signifie. Puis ils disent la voix des khalaf, c'est le ta'wil, c'est-à-dire de déformer le sens des versets. Donc vous voyez comment ils ont dévié. Ils ont dévié parce que ils disent que la voie des salafs, c'est l'ignorance et le fait de prétendre qu'on ne connaît pas ou on ne comprend pas la signification des noms et des attributs. Et ça, c'est un mensonge contre les salafs, parce que ce n'est pas vrai que les salafs ignoraient la signification de ces noms et de ces attributs-là. Puis, également, ils disent que les khalafs, leur voie à eux, c'était de chercher à trouver une explication ou une interprétation à ces noms et à ces attributs-là qui consistent à déformer en réalité le sens réel des attributs en question pour éviter, selon eux, qu'il y ait une quelconque ressemblance entre le créateur et la créature. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils essaient d'inventer des significations différentes pour essayer d'éviter de tomber dans ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme ou bien qu'est-ce qu'on appelle en arabe « at-tashbih », de faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et on sait très bien que peu importe les termes employés par Allah subhanahu wa ta'ala pour se décrire lui-même, eh bien, toutes ces attributs n'impliquent que de la perfection pour Allah, et il n'y a en même temps dans ces attributs-là aucune ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc on n'a pas besoin de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué déjà. Donc le cheikh, il dit que pour ces gens-là, pour les Asha'ira, c'est ça la voie des salafs. Et même, tu vois ça dans leurs livres, hein, les Asha'ira dans le passé, ils ont attribué ça aux salafs, et ils ont dit la voie des salafs, elle est plus sécuritaire et plus sûre, tandis que la voie des khalafs, hein, ceux qui déforment les sens des révélations, ils disent elle est plus sage et plus savante. Subhanallah. Donc ça, tu vois clairement ici qu'ils sont en train de dénigrer les salafs et de prétendre que les khalafs, ceux qui sont venus après eux, ont plus de compréhension et plus de savoir que eux. Hein? Donc ça, c'est l'insulte, hein, par excellence par la suite. Donc c'est pour te montrer comment ces gens-là, yani, ils dénigrent les salafs et ils s'élèvent eux-mêmes en suivant la voie des philosophes, de Platon et d'Aristote, et d'interpréter les attributs d'Allah à leur méthode, à leur façon, puis d'attribuer aux salafs l'ignorance des attributs et des noms d'Allah. Donc le cheikh, il dit, donc ils ont fait des salafs des ignorants, qui ne connaissent pas la signification des noms et des attributs, parce que, selon eux, les noms et les attributs, c'est-à-dire les versets et les hadiths qui contiennent ces attributs et ces noms, pour eux, pour les Asha'ira, sont tous comparables à des paroles, yani dans une langue étrangère pour un arabe. Comme si, par exemple, si quelqu'un, par exemple, parmi les noms arabes, quelqu'un qui parle une autre langue, chinois ou italien ou grec, ou une autre langue quelconque, hein, vient et il te parle dans sa langue à lui, et il te mentionne des mots dans sa langue à lui, et que toi tu connais pas sa langue, tu vas pas profiter de ce qu'il te dit. Même s'il répète deux fois, trois fois la parole, tu ne vas pas comprendre. Et donc pour eux, la signification de ces noms et de ces attributs là à propos les noms et les attributs d'Allah, pour eux, sont comparables à des mots dans une langue étrangère. C'est-à-dire, tu peux pas les comprendre. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui les comprend. Hein? Donc, ils disent, toutes les attributs d'Allah, les textes du Coran et de la Sunna qui parlent des noms et des attributs d'Allah, ne sont pas connus de nous, et nous ne pouvons pas savoir leur signification. Et ça, selon eux, c'est la voie des salafs. Hein? Ça, selon eux, c'est ça la voie des salafs pour les Asha'ira. Ils ont bien entendu menti en disant cela, et ils ont soit été des égarés là-dedans, ou bien soit ils ont été ignorants de ce que signifiait réellement la compréhension des salafs. Soit ils sont égarés dans le sens qu'ils déforment la réalité avec connaissance pour égarer les gens, pour s'égarer eux-mêmes, ou bien ils savent la réalité, ou bien ils, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sauraient la vérité, mais ils la déforment pour égarer les gens, hein, et pour mentir, il y en a avec une mauvaise intention, pour égarer les gens et pour suivre l'égarement eux-mêmes, ou bien ils sont ignorants de la réalité de ce que signifiait de suivre la voie des salafs. Hein. Et c'est pour ça, tu vois, même dans les groupes des hizbiyyin aujourd'hui, que ce soit la voie de Hassan al-Banna, fondateur des frères musulmans, hein, et également la voie de Tablir, même le fondateur de Jamaat Tablir, Mohamed Elias, eh bien, c'était des gens qui suivaient yani, la voie des Asha'ira et des Maturidiyya, et leur compréhension de la voie des salafs, c'est celle-là. Hein? Et Hassan al-Banna, dans son livre, Al-I'tiqad, justement, il attribue cette définition-là aux salafs, que pour eux, il prétend que pour les salafs, hein, la compréhension des noms et des attributs, c'est, hein, le tafouid, de dire on peut pas savoir ce que ça signifie. Et il essaie même de justifier ça par des citations hein, fabriquées ou faibles de l'imam Ahmad, hein, dans lesquelles l'imam Ahmad dirait que, par exemple, il faut pas chercher ou on peut pas comprendre la signification des noms et des attributs d'Allah. Et donc ça, c'est des attributs comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a parlé de ça dans ses livres. Il a mentionné ces citations qui sont attribuées à l'imam Ahmad et il a mentionné clairement que ces attributs, que ces paroles attribuées à l'imam Ahmad sont faibles, hein. Ils ne sont pas authentiques. Donc c'est des mensonges qui sont attribués aux imams des salafs. Et eux, ils se basent sur ces mensonges-là pour essayer de justifier leur position concernant la position des salafs au sujet des noms et des attributs. Et c'est pour ça donc que tu vois les gens qui suivent la voie des Ikhwan, qui essaient de faire comprendre aux gens que si tu es salafi, hein, ça veut dire que tu comprends pas la signification des noms et des attributs. Et ça c'est un pur mensonge, hein. C'est un pur mensonge et on va voir des exemples de ça. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils disent, les Asha'ira, ils disent que toutes les attributs d'Allah, hein, et dans les textes et dans la sunna ne sont pas connus de nous comme on l'a dit tout à l'heure, et ils disent que la voie des salafs donc c'est d'ignorer la réalité de ça. Après il dit il y a une autre façon qu'ils ont employée pour expliquer les noms et les attributs d'Allah, c'est de faire le تحريف. الشيخ الزي والمعنى الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، والتأويل هو التفسير، فيفسرون قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك أو أراد بك الرحمة، أما أن يكون الله موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل عندهم وهل مجرة. وهذان الآن مذهبان في كلام الله تعالى، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا باطل. Donc le cheikh dit la deuxième voie parmi les voies des Asha'ira pour parmi les deux voies qu'ils ont adoptées au sujet des noms et des attributs d'Allah, on a dit la première c'était at-tafwid, de dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire et on ne peut pas le comprendre. La deuxième voie c'est la voie du tahrif, hein, les Asha'ira quand ils arrivent dans des versets qui parlent des attributs d'Allah ou des hadiths qui parlent des attributs d'Allah, hein, ils disent ça, hein, ça veut pas dire ça, ça veut dire une autre signification, puis ils déforment le sens de ce que le verset signifie réellement, ils déforment le sens de l'attribut et ils lui donnent une autre signification. Et ça c'est, hein, il l'appelle ta'wil, mais en réalité le ta'wil comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est le tafsir. En réalité ce qu'ils font c'est at-tahrif, c'est de déformer, de falsifier la signification des versets. Comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit waja'a rabbuka, ton seigneur, hein, viendra, c'est-à-dire au jour de la résurrection, eh bien eux ils disent viendra l'ordre de ton seigneur. Hein? Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit que, hein, il fait miséricorde à ses serviteurs, c'est-à-dire il leur veut de la miséricorde parce qu'ils interprètent la miséricorde par la volonté. Pour eux, Allah ne peut pas être miséricordieux. Il ne peut pas posséder la rahma, parce que pour eux la rahma c'est une attribut de faiblesse, un attribut qui est présente seulement chez les créatures, et que si on l'affirme à Allah ou on l'attribue à Allah, eh bien pour eux ça implique quelque chose d'imparfait à Allah. Donc ils disent c'est impossible de dire que Allah possède la rahma, donc ils l'interprètent par la volonté à la place. Tout ça c'est des, hein, des déformations qu'ils font, des falsifications de la signification des versets. Pourquoi? Pour essayer de sortir de du délire qu'ils ont imaginé dans leur esprit, que les attributs que Allah s'est attribués à lui-même dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans la sunna seraient des attributs d'imperfection, et que ce serait de faire ressembler Allah à sa création, alors que on sait très bien que c'est pas le cas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui, et il est l'audient et le voyant. Donc ça c'est la réponse à ce sujet. Après le cheikh il dit was-sawab an naqul inna Allah yatakallamu mata sha, hein, mata sha bima sha kayfa sha وكلامه بحرف وصوت وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة وليس لنا أن نتحكم على الله بعقولنا. Donc le cheikh il dit, donc il y a ces deux voies, la voie des Mu'tazila et l'autre voie qui est la voie des Asha'ira, et ces deux voies comme on l'a dit sont des voies de fausseté. Après le cheikh il dit, et qu'est-ce qui est correct de dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, hein, il parle quand il veut, il dit ce qu'il veut et il parle comme il veut, et sa parole elle est une parole composée de lettres et qui est audible, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec une voix qui est audible. Et les preuves de cela dans le Coran et dans la Sunna sont apparentes. Et nous n'avons pas le droit, hein, de juger ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit selon notre raison ou selon notre logique, dans le sens que on s'invente des principes ou des règles qu'on prétend être rationnels pour essayer de déformer ou de changer le sens de ce que Allah a révélé, et puis commencer à essayer de juger et de déterminer ce qui est juste d'attribuer à Allah ou non, commencer à vouloir décider ce que nous pouvons attribuer ou non à Allah, comme si on pouvait connaître Allah mieux que Allah se connaît lui-même. Et ça, c'est pas possible. Hein? Donc, c'est comme si ces gens-là, parmi les Asha'ira, seraient en train de dire, « Oh Allah, hein, on sait mieux parler de toi que toi-même. Tu sais parler de ta personne. On sait mieux parler de ta personne que toi-même et que ton messager. » Donc, ne parle pas de toi-même et ne mentionne pas d'attributs, hein, ne mentionne pas d'attributs, laisse-nous nous charger de te décrire. Laisse-nous nous charger de expliquer qu'est-ce que tu as comme nom et comme attribut. A'ouzou billah. Donc ça c'est de l'égarement et de l'ignorance. Un point bénéfique que le cheikh il mentionne ici, il dit fa'ida. Tafsir az-Zamakhshari جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيال عليه مثل أبي السعود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل أبي السعود وغيره، كل يأخذ منه، لكن في الصفات احذره، فإنه جيد في سبك الكلام يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء أو للبهيمة العمياء، تمشي وراءه سواء كان وراءه أحجارا أو أنهارا أو نارا أو أي شيء، لأنه جيد يأخذ باللب. يقول البلقيني رحمه الله: إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش، وهذا المنقاش لا يأخذ إلا الشيء الخفي، فاحذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر لي من كلامه في الأحكام أن مذهبه حنفي، والله أعلم. Donc le cheikh il dit ici que le tafsir qu'on appelle le tafsir al-Zamakhshari, en fait il faut savoir une chose, comme le cheikh il explique ici, c'est que al-Zamakhshari c'est un mu'tazili. Ok, il fait partie des mu'tazila. Hein? Il a écrit un tafsir. Et son tafsir, dans la langue, en ce qui concerne la langue, en ce qui concerne l'analyse grammaticale, en ce qui concerne la rhétorique, l'explication des choses linguistiques, il explique que c'est un livre qui est bénéfique, qui est bon, très bon. Tous ceux qui sont venus après lui ont pris de lui dans les bienfaits par rapport au principe de la langue et à ces questions-là. Toutefois, en ce qui concerne les attributs, fais attention. Cheikh dit, en ce qui concerne les attributs, fais attention. Parce qu'il est fort dans la façon de t'égarer, hein, et de te faire tomber dans les voies des Mu'tazila, dans la négation des attributs. Et donc, tu risques de le suivre, hein, et si tu le suis, il va t'amener, hein, comme un animal aveugle. Et tu vas marcher derrière lui, et tu sais pas ce qu'il y a derrière lui, si c'est des pierres ou une rivière ou du feu ou n'importe quelle autre chose, parce qu'il prend ta tête, hein, il te met les choses, hein, il te renverse le cerveau à l'envers, comme on dit. Et même Al-Bilqini, un des ulama, il a dit rahimahullah que le livre de Az-Zamakhshari est rempli des shubuhat, des mu'tazila. Il dit que j'ai pas été capable de prendre de lui, excepté avec des ciseaux pour découper justement les points, hein, qui sont subtils, dans lesquels il y a des shubuhat cachés et des choses comme ça au sujet des attributs. Donc fais attention au sujet des attributs, mais en dehors de ça, les autres choses qu'il parle de la langue arabe et des choses comme ça, il dit que même dans le fiqh, il semble qu'il est sur la compréhension ou la voix des ahnaf. C'est un hanafi dans le fiqh, d'après ce qu'il a compris, le cheikh Ibn Uthaymin. Et ici, si je peux me permettre ici de rajouter un point par rapport à ce que le cheikh il mentionne à ce sujet du tafsir al-Zamakhshari, d'après ce que j'avais même entendu, je crois même que c'était l'imam, le cheikh Mohammed Ibn Uthaymin lui-même qui l'avait mentionné, ce point-là. C'est qu'il y a le tafsir de Shawkani, qui est en fait un résumé du tafsir de Zamakhshari, mais dans lequel il a enlevé les shubuhat des Mu'tazila. Malgré que le tafsir de Fath al-Qadir de Shawkani, il y a quand même certaines ta'wilat des Asha'ira dedans. Certaines ta'wilat de certains attributs qui sont mauvaises. Donc, comme les ulama ont dit, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce genre de ta'wilat. Et quel autre point aussi qui est bon à mentionner par rapport à ce point-là? Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Mais bien entendu, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici, que du fait que Az-Zamakhshari, son tafsir, il est bon pour les choses linguistiques, ça c'est pour les gens qui sont avancés dans la religion. Ça c'est pour les gens qui sont avancés dans la religion, puis qui ont atteint un certain degré dans la compréhension et dans le talab al-ilm. C'est pas pour les débutants. Hein, tafsir al-Zamakhshari, si quelqu'un il est débutant dans la science ou qu'il est dans les bains au début de la quête de science, il ne va pas profiter de al-Zamakhshari en quoi que ce soit. Donc il faut s'écarter de ce genre de livres complètement, hein, éviter ce genre de choses. Naam. Après, le cheikh il continue donc à expliquer certains points. Donc, moi je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que c'est bientôt la salat de Maghrib. Donc, on va s'arrêter. Puis après la salat de Maghrib, on va faire le tafsir, tafsir de Al-Baqarah avec le tafsir de Cheikh Al-Fawzan, inshallah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.